Voici l'histoire d'un ami de Plutarque, qu'il a rapporté dans son traité sur la justice divine, de Sera, Numinis Vindicta. C'était il n'y avait pas si longtemps à Solès en Cilicie, Asie mineure, un certain Thespesius, ami de Protogène qui vécut à Delphes, Grèce, avec quelques amis communs et moi. Ayant une vie très dissolue dans sa jeunesse, Thespesius de Solès perdit tout son bien en peu de temps. Après avoir langui dans la misère quelques années, il se corrompit presque totalement en tentant de retrouver, par tous les moyens, la fortune qui lui avait échappé. Comme ces libertins qui dédaignent une femme estimable pendant qu'ils la possèdent légitimement, et lorsqu'elle a épousé un homme, ils s'appliquent ensuite à la séduire. Thespesius employa donc tout moyen permettant d'arriver à ses fins, et en peu de temps il amassa, non pas des biens, mais beaucoup de honte. Sa réputation augmenta puis encore par la réponse d'un oracle, que les choses iraient mieux après sa mort. Après un accident où il tomba d'un lieu élevé, il perdit connaissance et restait 3 jours dans un état total d'insensibilité, au point qu'on le crut mort et on fit les préparatifs des funérailles. Mais il reprit connaissance et revint à lui, extraordinairement changé dans toute sa conduite. On se persuada que la cause d'un si grand changement ne pouvait s'être opérée par hasard, après une vie aussi licencieuse. Et on souhaita apprendre ce qui était vrai. Voici comment il le raconta lui-même à ce protogène dont je viens de parler, et à quelques autres de ses amis. Au moment où son âme quitta son corps, le sentiment que Thespesius éprouva fut le même qu'un pilote plongé au fond de la mer. S'étant repris, il lui semblait parfaitement respirer et regarder autour de lui. Son âme était ouverte comme un œil devant un spectacle nouveau pour lui. Il vit d'immenses astres placés les uns des autres à des distances infinies. Des rayons de lumière radiante, admirablement colorés, s'y diffusaient, ayant la force d'emporter l'âme où elle voulait partout, en un instant, comme un vaisseau voguant à pleine voile sur une mer tranquille. Il observa une infinité de choses. Il dit que les âmes de ceux qui meurent ressemblent à des bulles de feu qui montent à travers l'air, qui leur cèdent passage. Ces bulles viennent ensuite se rompre, l'une après l'autre, et les âmes en sortent sous forme humaine. Les unes s'élançaient en haut en ligne droite, avec une rapidité merveilleuse. Les autres tournent sur elles-mêmes comme des fuseaux, en montant et descendant, successivement, d'un mouvement confus et difficile à arrêter. Parmi cette foule d'âmes, il en reconnut 2 ou 3, à qui il tenta de parler, mais elles ne l'entendirent pas. Étourdies, comme privées de sens, elles fuyaient à tout regard et à tout contact, errant seules çà et là, puis se joignant à d'autres pareillement disposées. Elles se serraient étroitement, agitées au hasard, poussant des cris d'effroi et de tristesse inaudibles. Les âmes qui sont parvenues aux hautes régions de l'air, brillent de lumière. Elles s'approchent les unes des autres avec bienveillance réciproque, fuyant le tumulte de la foule précédente. Parmi ces âmes fortunées, Thespesius aperçut un parent mort alors qu'il était enfant. Son âme le salua, disant « Dieu te garde Thespesius. Je m'appelle Aridée, non Thespesius. » répondit-il. C'était ainsi. Mais à l'avenir on t'appellera Thespesius. « Car tu n'es pas encore mort, » dit son parent. Par ordre particulier de la destinée, tu es venu ici avec la part intelligente de ton âme, en laissant l'autre dans ton corps comme gardienne. La preuve que tu n'es pas complètement séparé de ton corps, c'est que les âmes des morts ne produisent pas d'ombre, et leurs paupières ne battent pas. À ces mots, Thespesius se concentra pour mieux se rendre compte de ce qu'il voyait. Il vit son ombre à son côté, alors que les âmes autour étaient translucides, et entourées d'un contour lumineux. Les unes brillaient d'une égale lumière, douce comme la pleine lune en sérénité. D'autres laissaient percevoir quelques taches sombres çà et là. D'autres tout à fait hideuses étaient tachetées de noir comme la peau des vipères. D'autres encore avaient la face légèrement déchirée. Le parent de Thespesius dit que, inévitable, avait tout pouvoir dans l'autre monde pour châtier toute espèce de crime, et jamais un seul méchant, petit ou grand, n'avait pu échapper à la peine méritée. Il dit aussi qu'elle avait trois exécutrices, nommées Châtiment, Justice et Furie, et que la gérance des supplices était divisée entre elles. La première exécutrice, Châtiment, punit de façon expéditive et douce, dès cette vie, ceux qui ont déjà été châtiés matériellement dans leur corps. Même qu'elle ferme les yeux sur plusieurs choses qui auraient besoin d'expiation. La deuxième exécutrice, Justice, châtie comme il mérite ce que le génie des supplices, Châtiment, lui remet, dont la perversité impose des remèdes plus efficaces. Elle repousse ceux qui sont absolument incurables vers la troisième exécutrice. La troisième et plus terrible exécutrice, Furie, court avec fureur après ceux qui errent, en fuyant de tous côtés, en misère et en douleur. Une fois qu'elle les saisit, elle les précipite sans miséricorde dans un abîme que l'œil humain ne peut sonder, ni la parole décrire. La première des supplices, Châtiment, ressemble assez à celle qui est en usage chez les barbares. En Perse par exemple, où on punit certaines fautes en retirant aux coupables la robe et la tiare, qui sont décousues et frappées de verges en sa présence, tandis que le malheureux, en larmes, supplie qu'on mette fin à cette peine. Il en est ainsi des punitions divines. Celles qui tombent sur les biens ou le corps, non pas l'aiguillon perçant qui atteint et pénètre à vif le vice. Ainsi la punition n'existe que dans l'opinion, et n'est qu'extérieure. Lorsqu'un homme quitte le monde, sans avoir souffert ces sortes de punitions, et arrive ici nullement purifié, Justice le saisit nu, c'est-à-dire qu'elle met le fond de son âme à découvert, sans moyen de se soustraire à la vue, afin de pallier à sa perversité. Il est tout entier visible à tous, et de tous côtés. L'exécutrice Justice montre d'abord le coupable à ses parents s'il en a qui ont été gens de bien, comme un sujet honteux et méprisable, indigne d'avoir reçu de la vie. Si ses parents ont été méchants comme lui, il assiste à leur tourment, et à son tour, pendant longtemps, il souffre sous leurs yeux des supplices, de douleurs très violentes, jusqu'à ce que le dernier de ses crimes soit expié. Les traces et cicatrices de chaque crime subsistent après le châtiment, plus longtemps chez certains, moins chez d'autres. Il me dit aussi, « Tu dois être attentif à l'aspect des âmes, car par les mouvements désordonnés de l'âme, certains vices s'impriment sur le corps de l'homme durant sa vie. L'avarice et toutes les basses inclinations serviles. La cruauté amère de malice. La marque des terribles crimes impurs difficiles à effacer. La haine de l'envie pousse dehors, comme l'encre noire de la sèche née de sa propre substance. Ici au contraire, les couleurs annoncent un état d'expiation et l'espoir d'un terme au châtiment. Lorsque ces taches auront disparu, l'âme reprend sa couleur naturelle et devient lumineuse. Lorsque ces taches subsistent, il y a certains retours de passion, des élancements qui ressemblent à une fièvre. Faible chez certains, violent chez d'autres. Il en est qui, après avoir été châtiés plusieurs fois, reprennent enfin leur nature et leur affection primitive. Thesposius et son guide s'avancèrent aussi vers les lieux où les coupables sont tourmentés. Frappés par la tristesse d'un spectacle si douloureux, ne s'attendant pas à qui il allait voir là, Thesposius aperçut des amis, des compagnons, des connaissances intimes, qui subissaient de cruels supplices. Ils se tournèrent vers son côté, dans des cris de lamentation. Il vit son propre père couvert de piqûres et de cicatrices, lui tendre les mains au sortir d'un profond gouffre. Il était sous l'emprise de bourreaux chargés de le tourmenter, et rompre son silence pour confesser à voix haute qu'il avait assassiné des étrangers venus loger chez lui, pour leur prendre l'or et l'argent qu'il portait. Pour ce crime, demeuré inconnu dans l'autre vie, il avait subi une partie de sa peine dans le lieu où il se trouvait. Maintenant on l'emmenait subir l'autre partie dans une autre région. Sur le point de fuir pour revenir sur ses pas, glacé d'horreur, Thesposius n'osa pas intercéder pour son père. Puis il ne vit plus, à côté, le bienveillant guide qui le conduisait, mais d'autres à sa place, à la face épouvantable, qui le contraignirent de passer outre, dans la nécessité qu'il voit encore ce qui se passe ailleurs. Et il en vit d'autres, reconnus coupables dans le monde, et puni comme tel. Cela était tourmenté moins douloureusement. Quant à ceux qui ont vécu dans le vice, et qui sous le masque de fausse vertu, ont bénéficié de la gloire que mérite la vraie vertu. Ceux qui font vengeance, sont à leur côté pour les obliger à tourner l'intérieur de leurs âmes au dehors, comme ce poisson marin, nommé scolopendre, dont on dit qu'il se retourne au dedans pour dégager l'hameçon qu'il a avalé. D'autres, qui avaient été écorchés par ses exécuteurs, étaient exposés dans cet état pour mettre leur vice à découvert, et montrer ce qui corrompait leurs âmes jusque dans sa plus pure et sublime essence. Thesposius dit qu'il envie d'autres, liés 2 à 2, 3 à 3, ou davantage, enlacés ensemble de la façon des serpents, qui s'entre-dévorent avec rage en pensant à leur passion venimeuse, pour les crimes qu'ils ont nourris dans leur cœur. Non loin de là se trouvaient 3 étangs. L'un rempli d'or bouillant, l'autre de plomb plus froid que la glace, et le 3e d'un fer aigre. Parmi les démons affectés à ces étangs, certains saisissent les coupables avec des outils, les plongent et les retirent de ces étangs, comme font les forgerons pour façonner le métal. Par exemple, les âmes de ceux qui s'adonnaient avec affection à l'avarice, et qui n'ont manqué aucun moyen pour s'enrichir durant leur vie, ils les plongeaient dans l'or brûlant, jusqu'à ce que la violence du feu rende leurs âmes translucides, et les éteignait de suite dans le plomb glacé. Puis ils les jetaient dans le fer lorsqu'elles avaient pris une consistance de glace. Elles devenaient alors atrocement noires et d'une telle raideur et dureté, ce qui permettait de les briser en morceaux et leur faire perdre leur forme. Et bientôt, elles venaient reprendre leur bouillant, et par ces divers changements, souffrir d'épouvantables douleurs. Il y avait des âmes qui se croyaient relâchées, mais étaient ramenées au supplice. Elles provoquaient plus de compassion, à cause de la cruelle souffrance. Ce sont ceux dont la punition de leur crime est retombée sur leur postérité. Lorsque l'âme du descendant arrive ici sous la colère, elle s'attache à celle qui l'a rendue malheureuse. Elle lui crie des reproches et montre la marque des tourments endurés pour elle. Alors la première veut s'enfuir et se cacher, mais en vain. Les bourreaux se mettent à sa poursuite et la ramènent au supplice. Alors la malheureuse jette des cris désespérés en prévision de tout ce qu'elle va souffrir. Thesposius ajouta qu'il avait vu une foule de ces âmes, regroupées à la façon des abeilles, avec leurs enfants qu'elles n'abandonneront plus, murmurant sans cesse de dures paroles de colère en pensant à ce qu'elles ont souffert, à cause des crimes de leur père. Parmi ces âmes Thesposius distingua celle de Néron, qui avait souffert déjà 1000 mal, à ce moment-là, percée de clous enflammés. Les ouvriers se disposaient à lui donner une forme de vie perdant les petits, à ce que dit Pindare, viennent au monde en déchirant leur mère. Jusque-là spectateur, Thesposius éprouva une terrible frayeur. Sur le point de retourner, il aperçut une femme, d'une beauté merveilleuse, qui lui dit « Viens ici, afin que tu te souviennes mieux de tout ce que tu as vu. » Comme elle s'approchait avec une petite verge de fer rougie au feu, comme celle des peintres, une autre femme l'en empêcha. À ce même moment Thesposius fut poussé par un puissant courant d'air, comme un jet de sarbacane, et revint dans son corps. Quand il ouvrit les yeux, il fut comme un homme qui se relève de la tombe. Quand il revint à lui, il fut tellement changé dans toute sa conduite, que toute la Cilicie attesta qu'on ne connut de conscience plus délicate, ni de piété plus tendre, ni d'amis plus sûrs.